إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc on continue avec notre livre العلم فضله وشرفه. Et donc on est arrivé au point 119. الوجه التاسع عشر بعد المئة. العلم حياة القلوب. العلم حياة القلوب. La science est la vie du cœur. أن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض. كما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر. فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. Certes, Allah سبحانه وتعالى a fait de la science pour le cœur, comme il a fait donc de la pluie pour la terre. Comme il n'y a pas de vie pour la terre sans pluie, c'est la même façon que Zalik, il n'y a pas de vie pour le cœur sans science. Wa fil muwatta l'imam Malik rahimahullah qala Luqman li ibnihi ya bunayya jalis al-ulama'a wa zahimhum bi rukbatayk fa inna Allah ta'ala يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. Et dans Al-Muwatta de l'imam Malik, donc tome 2, page 990, Luqman dit à son fils: Ô mon fils, assis-toi chez les savants et donc rapproche-toi d'eux, colle-toi à eux avec tes genoux, par tes genoux. Certes, Allah Ta'ala fait vivre les cœurs morts par la lumière de la sagesse, comme il fait vivre la terre par la pluie abondante. Donc ici, il a mentionné donc par la pluie abondante. ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس ولا يزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا. Il dit, certes, donc la terre, elle a besoin de pluie à certains moments. Et si la pluie, donc, il perdure dans cette terre, à un moment donné, la terre n'a plus besoin de cette pluie. Elle voudrait qu'il n'y ait plus de pluie. Parce qu'à un moment donné, ça va déborder, donc ça ne sera pas profitable pour cette terre réellement. Tandis que la science a besoin, donc le cœur a besoin de la science, autant que l'on a besoin, nous, donc, de respiration. Autant que l'on a besoin de respiration. Et plus il y aura donc d'ajout de science dans le cœur, plus le cœur donc sera raffermi ou sera plutôt donc réformé et profitera de cela. Al-wajhu al-ishrun ba'd al-mi'a al-ilmu was-su'al. Le 120e point, la science et la question. Anna kathiran min al-akhlaq التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم كالملق وترك الاستحياء والذل وتردد إلى أبواب العلماء ونحوها. Certes, beaucoup de comportements qui ne sont pas louables chez la personne, voire même donc elles sont réprimandées, elles sont donc louables chez l'étudiant en religion lorsqu'il insiste et qu'il délaisse la honte. Avoir de la honte, c'est une bonne qualité. Mais dans le fait de rechercher la science, à ce moment-là, il ne faut pas avoir honte. Il faut rechercher sans modération, sans honte. Zul, wataraddud, donc le fait de se sentir avili, mais pas l'avilissement qui est demandé. Wataraddud, douter, ou bien hésiter plutôt, le fait d'hésiter. Lorsque tu es donc devant les portes des savants et autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte, va questionner, va apprendre ta religion sans dire j'ai honte de poser ma question. C'est quelque chose qui va être profitable auprès d'Allah Azza wa Jal, donc il n'y a pas de honte en cela. وَقَدْ أُوْثِرَ عِنْ بَعْدِ السَّلَفِ قَوْلُهُمْ لَيْسَ الْمَلَقْ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَقَدْ إِبْنُ عَبَّاسِ ذَلِكَ طَالِبٍ فَعَزَزْتُ مَطْلُوبًا ذَلِكَ طَالِبًا فَعَزَزْتُ مَطْلُوبًا وقد وجدت عامة العلم عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقل عند باب أحدهم لو شئت أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. Donc, certains salafs disaient donc le fait d'insister donc ne fait pas partie des comportements du croyant, sauf dans talab al-ilm. Ibn Abbas donc il dit, voici donc un étudiant ici, taliban, fa'azastu matlouban, et moi je suis donc en vérité ici, donc celui qui est demandé, parce qu'Ibn Abbas, on venait donc le questionner. Et aussi il dit, j'ai vu la majorité, donc j'ai recueilli quoi, la majorité de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet endroit de Ansar, dans ce quartier, donc dans cet endroit de chez l'Ansar. Donc je restais dans, donc auprès de la porte de l'un d'entre eux, et lorsque je voulais donc on me donnait permission, mais simplement je ne faisais pas cela, je recherchais cela en fin de compte par rapport à ma bienséance. Il restait, même s'il attendait devant la porte du savant, de celui, parce que chez Ibn Abbas il était jeune, de celui qui était plus ancien pour apprendre, il attendait qu'il sorte et il profitait de lui. Il faisait donc, il pouvait rester même devant la porte. ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحين ولا متكبر هذا يمنعه حياؤه من العلم وهذا يمنعه كبره. Et vous connaissez sûrement, c'est une parole qui est bien connue, qui dit donc c'est parmi les paroles de l'imam al-Mujahid, qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari. Donc la science ne va pas s'acquérir pour celui qui a honte et pour celui qui est orgueilleux. Celui-ci, la science lui a été interdite à cause de sa honte, car il a honte d'apprendre, et tandis que l'autre, donc, c'est à cause de son orgueil. وَإِنَّمَا حُمِّدَكَ هَذِي الْأَخْلَاقِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَنَّهَا طَرِيقٌ إِلَى تَحْصِيلِهِ فَكَانَتْ مِنْ كَمَالِ رَجُلِ مُفْدِيَةً إِلَى كَمَالِهِ. Au contraire, donc, ces caractéristiques, ces qualités ont été donc louées dans le domaine de l'apprentissage, de la recherche de la religion, car c'est la façon qui va t'amener à acquérir cette science. Et ça apporte à quoi? Donc ça amène que la personne va se compléter, va en vérité se compléter, ou c'est elle qui va t'amener au fait que la personne sera plus complète. Wa min kalam al-hasan man istatara 'an talab al-'ilm bil-haya labisa lil-jahli sirbarahu faqta'u sirabil al-haya fa innahu man raqqa wajhuhu raqqa 'ilmuhu. Wa qala al-Khalil منزلة الجهل بين الحياء والأنفة والأنفة ومن كلام علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. Donc celui qui en vérité qui barre la route ou qui met donc une barrière entre lui et l'apprentissage de la science, donc bien sûr donc aura donc s'habillera ou sera vêtu en vérité donc de la vie, donc de l'ignorance. Et il faut donc barrer la route, ou plutôt détruire et enlever donc cet habit de science, car celui donc qui va en vérité, il va être raqiq, donc celui en vérité qui va avoir donc ce visage, parce qu'on va dire raqiq l'ilm, raqa wajhu, raqa ilmuhu, même s'il n'y a pas le mot réellement en français. Le fait qu'il a une science raqiq, qu'il aura une science en vérité qui sera donc très légère, elle sera insignifiante, elle sera en vérité insignifiante. Et la science, le niveau de la science, donc, est entre la honte et justement le fait de ne pas y aller, de ne pas en vérité rechercher donc cette science. Et pareil pour Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, donc il dit le hiba, donc le charisme, donc est venu justement par le fait, lorsque la personne n'est pas honte, la personne donc va de l'avant, elle a été associée par la fait que la personne va de l'avant, tandis que la honte a amené, donc la science, la honte plutôt, est associée et est alliée avec le hirman, le fait d'être interdit, c'est-à-dire d'arriver en vérité à cette science. Il y a encore d'autres paroles, donc, parce qu'il y a beaucoup de paroles ici par rapport à cela. Et ici il mentionne la science. Il dit que la science, ou l'ilmi, c'est tout maratib. أولها حسن السؤال ثانية وثانية حسن الإنصات والاستماع الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. Donc la science a 6 degrés, a 6 étapes. La première étape, c'est de poser les bonnes questions. La deuxième étape est le fait d'écouter attentivement, le fait de bien écouter, d'écouter attentivement. La troisième étape est le fait de bien comprendre. La quatrième étape est le fait de bien apprendre, mémoriser. Et la cinquième étape, le fait d'apprendre, donc de rentrer dans le domaine de l'apprentissage. Enfin, en vérité, donc tu te prépares. Les autres, ce sont des préparations. Au début, tu vas bien questionner pour bien comprendre. Tu vas avoir posé les bonnes questions. Et tu vas bien écouter. Et tu vas, donc tu vas bien écouter pour arriver à une bonne compréhension. Et tu vas mémoriser ce que tu as appris. Et après, tu pourras donc apprendre. Et sixièmement, et ça c'est le fruit, l'amal, l'acte. Et aussi donc, bien sûr, prêter attention à ses hudud, c'est-à-dire donc à ses sentences. Donc le hudud, c'est ou par rapport à ce qui est halal, ou par rapport à ce qui est haram. Tilka hududullah fala ta'taduha, tilka hududullah fala taqrabuha. Lorsque vous entendez ta'taduha, ça veut dire ne dépassez pas les limites donc dans ce qui a été ordonné. Si maintenant on vous a ordonné de prier 4 rak'ahs au dhuhr, vous n'allez pas en faire 5. Donc à ce moment-là, tu as fait l'i'tida. Et si le péché, on dit fala taqrabuha. On dit ici par rapport au péché, fala taqrabuha. Donc le hudud, c'est le fait de faire du bien, de faire ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire sans dépasser ce qui est demandé. Et aussi le fait, donc, aussi par rapport aux interdictions, donc ce qui est détestable et ce qui est interdit, sans s'en approcher. فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله. Il y a des gens donc dont la science lui sera interdite, elle va pas lui arriver, donc il sera privé de cette science car il ne sait pas poser les bonnes questions. Donc لعدم حسن سؤاله. Des fois c'est pour il peut avoir besoin de plusieurs raisons, des fois des mauvaises liens, des fois. إما أنه لا يسأل بحال. On ne pose pas la question, donc on va être au bon moment. Ou il pose des questions sur des sujets, en vérité, il y a plus important que cela. Ou il va poser des questions sur donc, des détails, ou en vérité, donc, le fait de rentrer trop dans les détails d'un sujet, alors que si tu ne connais pas ces détails-là, ce n'est pas important. Ça ne va pas, en vérité, donc, nuire le fait que tu sois ignorant de cela. وَيَدَعُوا مَا لَا غِنَ لَهُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ. Et il délaisse ce dont tu peux te passer de savoir. C'est une chose que tu dois savoir donc obligatoirement. Tu vas délaisser ça. وَهَدِي حَالُ كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَالِ الْمُتَعَلِّمِينَ. Donc c'est le cas de beaucoup d'ignorants qui apprennent. Ils apprennent mais pas, ils restent ignorants dans la façon d'apprendre. Parce qu'on a bien vu qu'il faut donc une bonne façon d'apprendre. Ça arrive souvent que des gens à un moment donné, justement, Shaitan il va tout faire pour éloigner les gens vers du vrai talab. Donc là, il va laisser dans le talab, mais il va l'éloigner dans la façon de faire, dans la façon d'apprendre. Ou bien parmi des gens, donc certains seront privés, car ils n'écoutent pas comme il faut, ils écoutent mal. Fayakulu kalamu. Donc la parole, elle mumara, le fait de vouloir en vérité discuter pour se faire remarquer, donc les débats, le jidal, il les fait prévaloir, il les fait passer avant le fait, et il préfère cela plutôt que d'écouter. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent se faire remarquer, ils parlent, mais en vérité, parce qu'il ne veut pas apprendre. Il veut être celui qui parle, il ne veut pas être celui qui apprend. وهذه آفة كامة في كثير من النفوس الطالبة للعلم. Donc ce sont aussi des défauts. آفة, c'est ce qui va être justement l'éloigner de cela chez beaucoup de gens qui apprennent la science. وهي تمنعهم علما كثيرا. Et cela va leur interdire beaucoup de science. ولو كان حسن الفهم, même s'il comprend bien. ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم رضي الاستماع لم يكن خيره بشره. Donc celui qui comprend bien mais a une mauvaise écoute, donc le bien ne va pas prévaloir sur le mal. Il comprend bien ça, mais en vérité il écoute mal. Donc en vérité ça, c'est comme si donc ça ne lui sert à rien. Parce que layakum khairuhu ini bisharrihi. Le comme on a dit donc le bien va pas prévaloir sur le mal. Wa dhakara Abdullah ibn Ahmad fi kitab al-'ilal lahu qala kana Urwa ibn Zubair yuhibbu mumarat ibn Abbas fa kana yahzinu 'ilmahu anhu wa kana Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah يرطف له في السؤال فيعزه بالعزة. Donc il dit Urwa ibn Zubair aimait donc discuter, débattre avec Ibn Abbas. Donc il gardait par rapport à ça, donc Ibn Abbas se contenait, gardait pour lui sa science. Ibn Abbas n'a pas donné à Urwa la science qui est suffisante. Pourtant c'est pas n'importe qui Urwa ibn Zubair. Mais Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba, donc il pose de bonnes questions, il sait comment faire, il est doux dans sa façon de questionner, il sait comment questionner, il lui donne, donc à ce moment là lui il lui donne, il l'élève donc en degré par rapport à ce qu'il va lui donner Ibn Abbas radiallahu anhuma comme science. Qala Ibn Jurayj lam astakhrij l'ilma alladhi istakhrajtuhu min ata illa birifqi bih. Donc Ibn Jurayj dit, je n'ai pas sorti la science, donc j'ai sorti, donc de, c'est-à-dire de la part de Ibn Atta, illa bi-rifqi minhi, donc ce que j'ai sorti de Atta, sauf par justement rifq, donc bienséance ou puis rifq, donc par douceur de ma part. Wa qala ba'd as-salaf, idha jalasta al-'alima fakun 'ala an tasma'a ahrasa minka 'ala an taqul. Certains salafs disent, lorsque tu t'assieds chez le savant, soit donc dans la situation de celui qui va, soit plus, donc ici, prompt à être celui qui écoute que plutôt celui qui parle. Plutôt fait partie en vérité de ceux qui écoutent. Soit plutôt comme cela. Wa qad qala ta'ala, inna fi dhalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Donc, soit Qaf, verset 37. Certes, donc ceci est un rappel pour celui qui a un cœur ou qui prête l'oreille, donc qui prête l'ouïe, alors qu'il est témoin. Wa huwa shahid. Fata'ammal ma tahta hadhihi al-afaz min kunuz al-'ilm wa kayfa taftahu mura'atu hadhihi al-'abd abwab al-'ilm wal-huda. Médite donc après avoir entendu donc toutes ces paroles là, toutes les richesses, donc tous les trésors qu'il y a de science, et comment la personne donc va justement être protégée de cela, comment elle va protéger cela et comment elle ouvre donc les portes de la science et de la guidée. Wa kayfa yanghaliqu bab al-'ilm 'anhu min ihmalihha wa 'adami mura'atiha. Et aussi apprend comment en vérité donc les portes lui ferment. Les portes lui sont fermées, pourtant il a pris le chemin et malgré ça elles lui sont fermées. Elles lui sont fermées car yahmal. Donc ici elle ihmal, c'est en vérité il ne prête pas attention, il est insouciant, il a délaissé certains points et il ne prête pas attention à cela. Adam mura'atiha, il ne s'est pas soucié, il n'a pas prêté attention à la façon de faire. Fa innahu subhanahu dhakara an ayatihi al-matluwa al-masmuha wa mar'iyyah wa mashhudati wa innama takuna tazkiratan liman kana lahu qalb fa inna man 'azima al-qalb al-wa'i 'an Allah لم ينفتح بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. Donc il montre bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans ce verset qui est récité. Donc ici il est écouté et il est vu et il témoigne. Donc il parle ici donc de la vue, il parle de l'ouïe et il parle du témoignage. À partir d'un cœur qui est quoi? Qui est justement concentré dans ce qui se passe. Donc ici Allah nous montre bien celui qui a un cœur. Donc un cœur qui va, qui veut en vérité donc comprendre. Il est concentré ce cœur et il regarde, il écoute et alors il est témoin. Il sera réellement témoin de ce qu'il aura appris. Il aura appris tout cela. Donc ici il voit, il entend, il voit, il est témoin. Et bien sûr donc c'est un rappel pour celui qui a un cœur et celui qui n'a pas de cœur. Donc ce qui est éveillé de ce que Allah donc lui a donné. Donc c'est clair qu'il ne pourra pas profiter, alors il ne va pas ouvrir les portes de chaque verset qu'il va passer, même si tous les versets lui passaient. Hein, donc même si tous les versets, en vérité, si en vérité lui étaient récités, s'il n'a pas de cœur à prêter attention à ce qu'Allah demande de lui dans ces versets-là, il ne va pas prêter attention. Les compagnons, ils ont donné à Alayhim, donc on sait que ils lisent le Coran la nuit et ils recherchent le sens dans la journée. Ils lisaient beaucoup la nuit et la journée ils recherchent son sens. Hein? Rien que ce verset-là, quand ils l'ont entendu, ils ont eu peur. Le lendemain plein, donc, lorsque ces versets sont descendus dans les débuts, beaucoup de compagnons ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été voir? À cause du wa'i, à cause du cœur qui est vivant. C'est pas un verset qui passe, ils le lisent, ikhlas. Ils ont dit, ils ont été voir donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bima'na al-qolihim, parce qu'on va être donc jugé sur ce qu'on cache à l'intérieur. Hein? Ils ont eu peur. C'est qu'on va être jugé sur ce qui se passe à l'intérieur de chez nous. Et des fois, on sait qu'il y a des mauvaises choses qui peuvent donc traverser nos poitrines. Donc, voyez un petit peu, en vérité, le wa'i des compagnons, au lieu de donner la alim, comment ils étaient. Le Coran, ils le disent la nuit et la journée, ils recherchent le sens. Murul ayat alayhi qatlu'i shamsi wal qamari wal nujum wa mururha ala man la basara lahu. فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المريات فإنه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقدره إلا بأمرين. Donc celui dont les versets vont passer donc près de lui comme le soleil, donc le soleil ou bien la lune et les étoiles, c'est-à-dire il passe chez lui de la même façon que le soleil sur au-dessus de lui, la lune, les étoiles, alors que lui ne voit pas. Il ne les voit pas. Mais s'il a un cœur, il sera donc du même niveau que le voyant, que tout ce qui passe devant lui, donc il le voit. Il le voit, tandis que la personne ne pourra profiter en vertu de ça que par deux points. Ahaduhuma ayuhdirahu wa yushhidahu lima yulqa ilayhi. Ça va être donc yuhdirahu yushhid. En vérité, justement, donc il soit réellement témoin, il ressent en vérité ce qui va lui être cité et mentionné. فَإِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ مُسَافِرًا لَنِي فِي الْأَمَانِ وَالشَّهَوَاتِ وَالْخَيَالَاتِ لَا يَنْتَفِعْ بِهِ. Tandis que si, donc, il n'est pas en vérité donc concentré, il ne cherche pas à méditer donc sur cela, c'est comme s'il était en vérité loin, il est ailleurs. Il est là, présent, mais son esprit, on va dire, elle est ailleurs. Dans les rêves, Amani, on sait jamais quand, des fois, on part, on est peut-être dans des rêves, ou shahawat, les passions, ou al-khayalat, donc les imaginations. Donc, il va pas profiter de cela. Fa'ida ahdarahu wa ashhadahu lam yantafi' illa bi ayyul qasamahu wa yusqi bi kulliyatihi illa ma yu'adu bihi wa yurshadu ilayhi. Tandis que si il prend donc s'il le prend donc s'il est témoin de cela et que bien sûr donc cela lui arrive il prend ce matin là alors qu'il est là, il ne va pas profiter que si il y prête donc réellement l'oreille totalement de tout ce qu'on va lui montrer, de tout ce qu'on va lui montrer comme guide, il faut qu'il soit totalement à ce moment là donc à l'écoute de ce qui va lui venir. Le cœur, comme on l'a dit, vide, afin que ça remplisse, le cœur il est concentré par rapport à cela, et l'écoute elle est donc totale. وَهَهُنَا ثَلَافَةُ قُمُورُ. Il y a par rapport à ce point-là, trois points. أَحَدُهَا سَلَامَةُ الْقَلْبِ وَصِحَّتُهُ وَقَبُولُهُ. Premièrement, le cœur saint. Le cœur saint. Bonne santé, et celui qui accepte. ثَانِي إحضاره وجمعه ومنعه من الشروط وتفرق. Donc que le cœur soit uni ici, donc il en a été uni. Et il n'est pas, et il interdit à son cœur de quoi? De partir à droite, à gauche, en réalité de se séparer. Il pense à ça, après il pense à ça. Il est donc concentré, donc c'est un seul cœur. Il est bien, il est avec moi, comme tu es avec moi. Donc il est là, il n'est pas une partie là-bas et une partie là-bas. Le salif. إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. Il écoute, il prête l'oreille, donc il prête fortement l'oreille, et il est prêt à écouter celui qui va parler. il est prêt en vérité à écouter, donc celui qui va l'enseigner se rappelle. فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية. Et ces trois points ont été mentionnés par le verset auparavant. فقال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل. Donc ici le cœur signifie ici donc la raison. إذ هو محله. Car la raison elle est ici, elle est dans le cœur. العقل c'est ça. العقل c'est pas ça, mais c'est ça. والمعنى لمن كان له قلب واعٍ ينتفع به. Donc cela veut dire en fait celui qui a un cœur donc qui est éveillé et qui profite de ce cœur. قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. Un cœur qui est donc présent avec Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas insouciant, n'est pas insouciant dans Allah azzajal, ne serait-ce que le clignement de l'œil. وقوله أو ألقى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء والواعدة وأثبته في سمعه. Donc le معنى de alors qu'il a prêté l'oreille alors qu'il est témoin, ça veut dire que son oreille a été, donc il a dirigé son oreille vers ses rappels, vers ses annonces, vers ses exhortations, et il les a bien sûr donc bien prises, elles sont raffermies dans son écoute. فَذَلِكَ إِلْقَاءٌ لَهُ عَلَيْهَا. C'est ça que l'ilqa, c'est le fait en vérité d'avoir prêté l'oreille fortement. وَمِنْهُ قَوْلُ تَعَلَى وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي أَيْ أَثْبَتُهَا عَلَيْكَ. Donc je t'ai donné je t'ai raffermi d'un amour de ma part. Donc un qayt vous a utilisé ici, les asbatuha, bimana asbatuha. Je t'ai raffermi, j'ai consolidé donc un amour de ma part. C'est pour, donc c'est un shahid, c'est un témoignage argumentatif. Wa qawluhu wa huwa shahid, qala ba'du mutaawwilin ma'nahu wa huwa shahidun muqbilun ala al-amri ghayr mu'ridin anhu wa la mufakkirin fi ghayri ma yasma'. Il est témoin, donc certains exégètes ont dit, son sens est, il est témoin, et il est, donc il fait face, ou il va, donc vers l'ordre, vers la chose, donc vers le sujet, sans se détourner de ce sujet-là, il ne se détourne pas de ce sujet-là, et il ne pense pas autre chose de ce qu'il entend. Il est en train d'écouter, mais il n'est pas ailleurs, il est donc bien concentré. قال وقال قتادة وهي إشارة إلى أهل الكتاب فكأنه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشاهد بصحتها لعلمه بها من كتاب التوراة وسائر الكتب بني إسرائيل. Donc Qatada dit que c'était donc pour les gens des livres, les gens du livre. C'est comme s'il disait donc ces exemples-là, ces exhortations-là, donc ces exemples-là, sont un rappel pour celui qui a une compréhension et une méditation sur donc, la situation, sur le sujet, ou pour celui qui l'écoute parmi les gens du livre et a été témoin de sa véracité, donc par la science, car il a connaissance de cela, parmi le livre, dans le livre bien sûr, de la Torah et tous les livres qui ont été descendus chez Bani Israël. قال فشهيد يعني على تأويل الأول من المشاهدة وعلى تأويل الثاني من الشهادة. Donc شهيد, certains ont dit que c'était donc المشاهدة, le fait de voir, ou bien الشهادة, donc le témoignage. Lorsqu'il parle ici donc par rapport à donc al-hirman, lorsqu'il veut dire ici wa al-maqsoud ou bayan al-hirman al-ilm min hadhihi al-wujuh as-sitta, donc qu'est-ce qui fait que les gens sont privés de la science alors qu'on a vu ici donc les points, hein, ahaduha tark as-su'al, premièrement le fait de délaisser la question. Ils ont des questions mais ils ont de poser la question, ils ne posent jamais de questions, donc ils oublient après. T'as une question importante, pose-la. Ne laisse pas en toi, parce qu'elle va semer le doute chez toi. Tant que ce n'est pas une question, c'est quoi ? C'est du doute. C'est donc de l'incompréhension. Mais si elle se forge chez toi, va l'enlever. Et après, tu peux l'oublier même, des fois. Et tu vis avec, donc tu as oublié que tu as une question. Et une deuxième, une troisième. Jusqu'à ce que se remplisse sur toi, hein, dans ton cœur, en vérité, l'ignorance. Tarku sou el. Thani sou el insat. Wa adamu ilqa istama. Deuxièmement, le fait de mal écouter. Et le fait donc de ne pas prêter attention. De ne pas prêter l'oreille. Et thalis sou el fahm. Donc sou el fahm. Troisièmement, donc la mauvaise compréhension. La compréhension, elle ne vient pas de nous. Il faut qu'elle vienne donc de ceux qui nous l'expliquent, les savants. Mu'tabarun. Quatrièmement, adam al-hifz. Le fait de ne pas apprendre, de ne pas mémoriser. Al-khamis, adam nashrihi wa ta'limihi. Le fait de ne pas propager, de ne pas l'enseigner. Fa inna man khazana ilmahu wa lam yanshurhu wa lam yu'allimhu ibtalahu Allah bi nisyanihi wa dhahabihi minhu. Jaza'an min jins al-'amalihi. Donc celui qui ne propage pas et qui n'enseigne pas, alors qu'il a au début emmagasiné cette science-là, et là on n'a pas protégé, Allah va l'éprouver par l'oubli, parce que ça ne va pas rester. Il va l'oublier. Et ça, c'est la récompense, donc elle sera selon bien sûr le type de l'acte. وَهَذَا أَمْرٌ يَشْهَدُ بِهِ الْحِسُّ وَالْوُجُودُ. Donc les gens, donc c'est quelque chose qui est prouvé. السَّادِسُ عَدَمُ الْعَمَلْ بِهِ. Sixièmement, le fait de ne pas le mettre en application. فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ يُوجِبُ تَذَكُّرَهُ وَتَدَبُّرَهُ وَمُرَاعَتَهُ وَالنَّظَرَ فِيهِ فَإِذَا أَهْمَلَ الْعَمَلَ بِهِ نَسِيَهُ. Le fait de ne pas le mettre en pratique. Car le fait de le mettre en pratique, ça amène obligatoirement au fait de s'en souvenir, de le méditer et d'y prêter attention et de regarder sur ce sujet. Mais s'il délaisse, si en vérité il est insouciant par rapport à cela, donc ahmalahu, il délaisse cela, bien sûr il va l'oublier. Un exemple. Ceux qui vivent donc Mecca ou la fin de Medina et qui prient souvent par rapport à l'haramain. Il y a donc la prière du mort, on peut la prendre, mais on peut l'oublier si on prie très rarement donc sur le mort. Mais le fait que là-bas, carrément ou pratiquement, toutes les prières prises sur le mort, comment ils vont l'oublier? Parce qu'il y a toujours une mise en pratique. Mais si quelqu'un vivait dans un endroit où il y a très peu de musulmans et qu'il a pris la doha, mais ça se peut qu'il y a un mort tous les X temps, c'est rare. Donc lui, il est plus à même, hein, des fois. S'il ne relie pas ça, il va faire quoi? Il va automatiquement oublier. Peut-être pas tout, il va oublier des passages. Il a fait des ça, là. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu donc cette mise en pratique. وَقَلَ بَعْدُ السَّلَفِ كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْزِ الْعِلْمِ بِالْعَمَلِ بِهِ. Certains salafs ont dit, nous nous aidions afin de protéger donc notre mémorisation de la science par la mise en pratique. La mise en pratique faisait en sorte qu'on n'oubliait pas donc ce sujet-là. وَقَلَ بَعْدُ السَّلَفِ أَيْدًا الْعِلْمُ يَهْتَفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ حَلَّ. Ça, on a même une parole de Ali ibn Abi Talib sur cette parole-là. Donc, la science est accrochée et liée avec l'acte. Car si l'acte répond à la science, donc à ce moment-là, donc, ils sont ensemble. Sinon, elle va disparaître. Sinon, la science, elle va partir. Ça va, ils vont s'éloigner automatiquement. فَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ أَعْضَمِ أَسْبَبِ حِفْدِهِ وَالثَّبَاتِهِ. Le mettre en application la science est parmi les causes les plus importantes afin de mémoriser, de garder son mémoire et afin d'être raffermi par rapport à cela. وَتَرْكُ الْعَمَلْ بِهِ إِدَارَةٌ لَهُ. C'est-à-dire que si tu délaisses la science, l'acte de cela, donc tu vas perdre. Tu vas en vérité perdre cette science. فَمَا اِسْتُدِرَ الْعِلْمُ وَلَا اِسْتُجْلِبَ بِمِثْلِ الْعَمَلْ. On n'a jamais donc retirer, ça on n'a jamais en vérité attiré la science, on n'a jamais trouvé donc point ou situation donc ou chose en vérité plus importante ou plus attirante de la science que l'acte. Il n'y a pas meilleur que l'acte en vérité pour tout simplement donc protéger cette science. فَيَقُولُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِيكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Ô ceux qui ont cru, craignez donc Allah. Et croyez en son envoyé, il vous donnera donc deux part ici de sa miséricorde et ils feront de vous, donc, ils vous donneront plutôt, ils vous donnera afwan, donc une lumière à partir de laquelle vous allez marcher. Le hadith verset 28. Amma qawluhu ta'ala, taqullaha wa yu'allimukum Allah. Craignez Allah et Allah va vous enseigner, sur le Baqara verset 282. Falaysa min hada al-bab, bal huma jumlatan mustaqillan, mustaqillatan. Tarabiyatun wa hiya al-amru bit taqwa. Wa khabariyatun wa hiya qawluhu ta'ala wa yu'allimukum Allah. Ay ma tattaqun falaysa jawaban lil-amri bit taqwa. Donc ici il dit wattaqullah wa yu'allimukumullah. C'est pas un jawab short en vérité. C'est pas parce que tu vas craindre que tu vas ici, c'est ça qu'il veut dire. C'est un khabar. Et craignez Allah et Allah vous enseignera. Donc ici, laysa jawaban lil-amr bit taqwa. Vous avez compris? Law urida biha al-jaza'u la ata biha yani majzumatan mujarratan yani al-waw. Ittaqullah yu'allimukumullah. Ça serait comme ça, ça serait pas wa yu'allimukumullah. Parce que ça veut dire que chaque personne qui craint, Allah va l'enseigner. Il y a des gens qui craignent des fois sans qu'ils ont spécialement un enseignement. Et là, le waw, il prouve que c'est pas justement donc un jawab short. Une réponse donc à la condition. Fakana yaqul ittaqullah يعلمكم أو إن تتقوا يعلمكم كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا لا وي فتتبره سنرى بالتعريفشي par rapport à cela médite sur cela donc la langue arabe est nécessaire pour pouvoir vérifier faire la différence الوجه الحادي وعشرون بعد المئة le point 120 العالم وغيره لا يستويان le savant et autres que lui ne sont pas donc à égalité à points égaux. أن الله سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمات وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمره بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقون والفجار. Trois points de suspension. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a renié donc l'égalité entre le savant et autre que lui. De la même façon qu'il a renié l'égalité entre le mauvais et le bon, entre l'aveugle et celui qui voit. Le voyant, entre la lumière et les ténèbres, entre les gens du paradis et les gens du feu, entre celui qui est donc incapable, qui ne peut rien faire, et entre celui qui ordonne donc la justice, et lui il est dans la voie droite, et entre les croyants et les koufars, les mécréants, et entre ceux qui croient et font de bonnes œuvres, et ceux qui donc commettent des turpitudes sur la terre. Et entre ceux qui craignent et ceux qui sont pervers. Fahadihi asharatu mawadi' fil Qur'an. Ici, donc, il y a 10 points. Donc, on a mentionné ici. Donc, les 10 points qui sont dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa fiha taswiyata bayna haula'i asnaf. Donc, il a renié à Allah subhanahu wa ta'ala l'égalité entre ces 10 catégories-là. Wa hada yadullu ala anna manzilata al-alimi min al-jahili. Donc cela est une preuve que le niveau du savant vis-à-vis de l'ignorant est comparable au niveau de la lumière vis-à-vis des ténèbres. Et du bon vis-à-vis du mauvais. Donc on voit que chaque niveau de toutes ces catégories a son contraire ici. À son contraire. وهذا كاف من شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها وجدت نافية تسوية بينها راجعة إلى العلم الموجبة فيه ووقع تفضيل أو تفضيل وانتفات المساواة. Cela est suffisant pour montrer la noblesse de la science et du savant. Et si tu médites sur ces 10 points-là que l'on avait auparavant, donc tu verras donc chaque fois donc le fait de renier l'égalité entre que le fait de renier l'égalité entre ces points, tous reviennent à quoi? à la science qui amène obligatoirement à cela. Ici, Taïb, tu ne peux pas connaître Taïb que par la science. Ça, là, la bonne chose. Donc, tous les points qu'on a vus auparavant ont attrait à la science. Tous, comme ils sont, ils ont une relation avec la science. Sans science, tu ne peux pas arriver à là. Tu ne peux pas arriver, donc, maintenant, on va les reprendre. Donc, tu ne peux pas être Alim sans science. Tu ne peux pas être Taïb sans science. Tu ne peux pas être Basir sans science. Tu ne peux pas connaître Nours, c'est la science. Donc, il a khélihi. Les gens du paradis ne peuvent entrer au paradis que par science. Donc, tout cela revient à quoi? Donc tous ces points-là reviennent à la science. Et ce qui va, bien sûr, amener, donc, ce qui fait donc, en vérité, donc, la suprématie de la science par rapport à l'ignorance. Et le fait qu'il n'y a pas donc d'égalité. Al-wajhu al-thani wal-ishrun ba'd al-mi'a. Al-ilmu sabilun najat. Le 122e point, la science, donc, est la voie au fait d'être sauvé, en najat. Anna Suleymana lama tawa'ada le hudhud bi an yu'adzibahu 'adaban shadida aw yadhbahu inma naja minhu bil 'ilm. N'est-ce pas que Suleyman alayhi salam, lorsque le hudhud est parti, donc il avait dit qu'il faut qu'il me revienne avec une science sûre, sinon avec une preuve, si quelque chose quoi, sinon je vais donc le châtier, parce que c'était quelqu'un de l'armée, et c'est comme s'il avait déserté. Donc il était parti, le hudhud, la hutte. Donc, il a dit qu'il le châtirait ou il l'égorgerait. Et certes, qu'est-ce qui a sauvé le hudhud? C'est al-ilm. Wa aqdama alayhi fi khitabihi lahu bi qawlihi ahattu bima lam tuhit bih. Donc, je suis venu, donc je sais quelque chose que tu ne sais pas, quoi. Je suis venu à quelque chose que tu ne connais pas. Donc, il y a une suprématie dans ce domaine-là qui est donc scientifique par rapport à la science. Al-nama. وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم. Ce khitab là, donc il est venu en réalité par rapport au domaine de la science. Qu'est-ce qui lui a permis de dire ça? Il lui s'est permis de dire j'ai quelque chose que tu n'as pas. J'ai connaissance de quelque chose que tu vois tu n'as pas. C'est en réalité c'est la science. وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن في خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم. Alors que le hudud est faible et Suleyman est fort, et pourtant il s'est permis de montrer une certaine suprématie par rapport à une science qu'il possédait, que Suleyman ne possédait pas. Le fait de savoir ce qui se passe donc chez donc la reine de Saba là-bas. ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن المسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلاميذه أنا أعلم هذه المسألة فغضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان من داود لو بلغت في علمي ما بلغت ولست أنا أجهل من الهدهد وقد قال لسليمان أحط بما لم تحد به فلم يعتب عليه ولم يعنفه ويعنفه. Donc ici regardez, donc on voit ici un exemple. C'est que certains savants ont dit que, certains savants ont été questionnés sur un sujet, ils ont dit je ne sais pas. Donc quelqu'un a dit je ne sais pas. Et un de ses étudiants a dit moi je sais, je connais le sujet. Donc il a été questionné sur un point, il a répondu qu'il était ignorant de ce point. L'élève a répondu qu'il était donc au courant de ce sujet. Le prof ou le shir, donc s'est énervé et a pensé à ça. Et il lui a dit donc à l'élève, ô prof, tu n'es pas plus savant que Suleyman, fils de Daoud, Suleyman ibn Daoud, même si tu arrivais à un haut niveau de science. Et je ne suis pas plus ignorant que la hutte qui a dit à Suleyman, certes, j'ai quelque chose que tu n'as pas. J'ai en vérité englobé une science que toi tu n'as pas. Donc le prof, alhamdoulilah, il est revenu par rapport à ça, donc il ne s'est pas en vérité énervé, et là, donc il ne s'est pas renfrogné sur lui, il n'a pas en vérité. Alhamdoulilah, sa colère en vérité elle a disparu, elle est partie après donc cet exemple là donc ça a sauvé qui? Ça a sauvé ici donc Suleyman. Ça là. Et la même chose pour Younous alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est en prison, qu'est-ce qu'il a fait sortir de la prison? N'est-ce pas que c'est al-ilm, qu'est-ce qu'il a sauvé de la prison? C'est al-ilm, le fait de connaître en vérité, donc il est aussi donc interpréter les faits des rêves. La science d'interpréter les rêves a fait sortir Yunus al-Sassoussan donc de prison. Afwan, Yusuf, par contre, Yusuf al-Sassoussan donc de prison. Le prophète Yusuf, il est en prison et le fait qu'il connaissait donc le al-Manamat, le fait qu'il interprétait les rêves, Yusuf. Barakallahu fikum. Anna manana shay'an. Donc ici, afwan, j'ai pas lu le point. Donc le wajb al-thalith wal-ishrun ba'd al-mi'a. Le 123e point, c'est la science. Donc rend la personne de science noble. C'est en vérité quelque chose de noble pour la personne de science. Anna manana shay'an min sharaf ad-dunya wal-akhirah fa inna mananahu bil-'ilm. Celui qui acquiert quelque chose de, donc, une part de noblesse dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, en fait, il a acquis cette part, donc, par la science. Wa ta'ammal ma hasra li adama min tamyizihi 'ala al-mala'ikati wa i'tirafihim lahu bi ta'limi Allahi lahu al-asma' kullaha. Thumma ma hasra lahu min tadaruki musibati wa ta'widi 'an sukni al-jannah. بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه. Donc médite sur ce qui arrive à Adam et donc sa suprématie envers les anges, le fait qu'il y a une différence entre Adam et les anges, et que les anges ont reconnu car les anges ont reconnu de ce que Allah a enseigné à Adam tous les noms, donc une suprématie par rapport à la science. Et aussi de ce qui lui arrivait. Donc, lorsque cette moussiba, ce malheur, a affligé Adam, et qu'il a, donc pour cette moussiba, parte, et qu'il soit donc sain ou serein, donc le fait que lorsqu'il est sorti donc, du paradis, donc il lui a demandé quoi? Donc, Adam a dit des paroles, a prononcé des paroles à Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal donc les a acceptées, et Dieu lui a pardonné par rapport à cela. Voilà ma hasra li Yusuf. من تمكن التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بعبارة يعني تلك الرؤيا. Et même chose donc pour Youssouf, donc lorsqu'il a pu être renfermé sur cette terre et avoir donc une place noble, une place importante, parce que c'est lui qui était donc l'homme de confiance par rapport au dépôt, c'est-à-dire par rapport au, donc cette entité, c'était lui qui tenait l'économie donc du pays, hein. À partir de quoi? À partir justement de la science de pouvoir interpréter les rêves. Thumma yani ilmihi bi wujuhin istikhraji yani akhihi wa ikhwatihi bima yuqirruna bihi wa yahkumuna hum yani hum fihi bihi. Na'am yahkumuna hum bihi hatta ala al-amru ila ma ala ilayhi min al-'izz wal-'aqiba al-hamida wa kamal al-hal allati tusalu ilayha bil-'ilm. كما أشار إليه سبحانه في قوله وكذلك يعني كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Donc جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجات يوسف على إخوته بالعلم. Donc si arrive à Youssouf ici, donc le fait que sa science, le fait qu'il est sorti, il a sorti même son frère et ses frères de ce qui est arrivé donc par rapport, vous connaissez la Qissa, à la fin de la sourate, Youssouf, la Qissa lorsque donc ils ont été accusés la Khélihi, donc il est arrivé à quoi? Donc à une bonne fin. Cette science-là a amené toute cette histoire-là en vérité à une bonne fin. À une bonne fin. Et c'est pour ça qu'Allah dit donc certes nous avons presque donc c'est-à-dire pour Youssouf, lorsqu'il a pris, nous allons presque par rapport à Youssouf, lorsqu'il a pris son frère donc dans la religion, donc Fiddin el-Malik. Donc Fiddin el-Malik, est-ce qu'il y a ici un Coran français pour lire directement le verset? Et il parle de tafsir par rapport à cela, donc on va revenir après en français, comme ça on va dire le mot exact. Donc par rapport au tafsir de cela, il dit. Nous, Allah Azzawajal ici, donc ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire un témoignage argumentatif, c'est nous élevons en degré qui nous voulons par la science, comme nous avons élevé en degré Youssouf, donc sur ses frères, donc à partir de la science. Ainsi, donc, suggérâmes-nous cet article à lui par Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah donc, ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme étant ou détenant la science, il y a un savant plus docte, donc plus docte que lui. Ici, donc, il ne peut pas embêter le saisir de son frère, car il y a eu une loi qui est descendue. Hein, donc, il y a un hukm sur lui. Et le ilm, en vérité, a amené à cela. وقال في إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع الدرجات من نشاء نصرة العام verset 83 Certes voici nos preuves que nous avons données à Ibrahim envers ses preuves et nous élevons donc en degré qui nous voulons وفهذه رفحة بعلم الحجة وأول رفحة بعلم السياسة فهو والأول رفحة بعلم السياسة Donc ici par rapport à Ibrahim, donc c'est la science de la hujja, donc de la preuve. Et l'autre, c'est la science de savoir comment gérer, de la politique, en vérité, de savoir comment gérer en islam, la politique. C'est-à-dire, وتلطف فيهم أهو في السؤال حتى قال لي هل أتبعك هل على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ Donc dans Sourate al-Kahf, verset 66, vous connaissez souvent donc bien sûrement donc l'histoire du Khadr, al-Khadr. Donc sa science a fait que Moussa, hein, donc le un des plus grands parmi donc le Ulul Azmi min ar-Rusul, Moussa donc c'est le meilleur prophète de chez Bani Israël parce que c'est lui qui a reçu la Torah. Tous les envoyés de Ben Israël, le meilleur des prophètes, le plus important c'est Moussa. Parce que c'est lui que la Torah est descendue. C'est pour ça que c'est le meilleur de Ben Israël. Et il fait partie de Ulul Azmi min ar-Rusul. Et pourtant il a été donc, il a voulu être élève de Khadr sur certains points. N'est-ce pas que tu vas m'apprendre, hein? Donc n'est-ce pas que puis-je te suivre? Il est venu donc avec un adeb. Puis-je te suivre afin que tu m'apprennes de ce que tu as reçu comme guidée? De ce que tu as reçu comme guidée. Regardez donc le tawadu' de Moussa, alayhi salatu wassalam. Wa kadhalika ma hasala li Suleyman min ilmi mantiq at-tayr hatta wasala ila mulki sab'a. La même chose pour Suleyman, alayhi salatu wassalam, qui a donc su parler avec les oiseaux, et ce ilma l'a apporté à quoi? À sab'a. Parce que si Hulhud ne pouvait pas parler avec Suleyman, il n'aurait pas pu arriver à cette reine. Qu'est-ce qui fait le sab'a? C'est Hulhud qui a vu tout cela. Et Suleyman, donc, l'a su avec le. Parce que c'était Suleyman qui parlait le langage de la Yup. Et bien sûr, là, donc, prêt, il a été donc eu le dessus sur ce royaume. Et là, donc, il a même pris donc, ce qu'on appelle serré, donc le coursi. Donc, c'était un signe avant chez les rois. Si tu prends le trône, hein, le siège du roi, de notre roi, ça y est, tu as gagné. C'est un peu ça. Et tu n'as pas pu arriver à ce trône que après avoir donc gagné. Il a fait en sorte que donc un Belkès, c'est donc qu'elle soit sous son obéissance. C'est pour ça qu'Allah donc il dit Ya Yohannes, ulimna mantra ter. Utina min kulli shay'in inna hada lahu al-fadl al-mubin. Ô Jean, nous avons appris, on nous a enseigné donc la parole ou le langage des oiseaux. Nous avons tout reçu, une couliche, nous avons tout reçu de ce qu'on a besoin. Ça veut pas dire tout, il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas tout eu. Mais maintenant, on a tout de ce qu'on a besoin, on a tout. Et cela va être donc un bienfait évident. Et Daoud, donc il savait en vérité donc faire, donc il savait en vérité faire des boucliers. Il savait bien en vérité aussi faire des boucliers qui l'ont donc protégé de l'ennemi, qui l'ont protégé donc de l'ennemi. Et la même chose pour donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, par rapport à la science. Et Allah dit bien وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْعَظِيمَ. Soit Nisa. Certes, nous avons descendu vers toi le livre et la sagesse, la sunna, et nous t'avons appris ce que tu ne connaissais pas, et le bienfait d'Allah envers toi est énorme. Soit Nisa, verset 113. Donc vous voyez un petit peu les bienfaits qui ont toujours à voir avec quoi ? Avec la science. Al-Wajhu, Al-Ishrun, Al-Rabi' Al-Ishrun, Ba'd al-Mia. Le 124e point. Al-Ilmu, Sabilu Al-Kalam, Afwan Al-Kamal. Sabilu Al-Kamal. أن الله سبحانه أثنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اشتباه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a loué les mérites et vanté les mérites de Ibrahim, donc son ami Hatim, en disant certes Ibrahim était une communauté donc qui adorait Allah Azza wa Jalla sans arrêter, qanitan lillah, c'est-à-dire le fait d'adorer sans arrêter, et ne peut donc hanifan pur, donc le hanif c'est le fait de se dévier du shirk pour aller vers pour être dans le tawhid, et ce contraire c'est le janef, le contraire de hanif c'est le janef. Walam yakun min al-mushrikin, walam yakun min al-mushrikin, il ne faisait pas partie des mushrikin. Il donc remerciait Allah Azza wa Jalla par rapport donc à ou grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun est l'un d'un homme. Donc ici, Fahadi, arba'atu anwa' min al-thana. Iftataha Allah azza wa jalla bi'annahu umma. Premièrement, c'est une umma. Donc, un guide, un exemple. Umma, bi'ma'na, un exemple. Qui parmi les compagnons est appelé comme ça? C'est Mu'adh, umma. Il est appelé, donc on faisait qu'on ressemblait Mu'adh à Ibrahim, radiallahu anhu. Donc umma, un exemple pour tout le monde. Parce qu'Ibrahim c'est lui-même des savants et c'est l'exemple pour tous les savants. وَالْأُمَّةُ هُوَ الْقُدْوَةُ الَّذِي يُتَمُّ بِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْأُمَّةُ الْمُعَلِّمُ لِلْخَيْرِ وَهِيَ فُعْلَةٌ مِنَ الْأَيْتَامِ مِنَ الْإِتْمَامِ فَقُدْوَةٍ وَهُوَ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ. Donc Ibn Mas'ud ici dit donc l'umma c'est l'exemple, c'est celui qu'on prend comme exemple. Et Ibn Mas'ud a dit donc l'umma c'est celui qui enseigne le bien, et c'est donc qui enseigne le bien et c'est l'exemple qu'il faut prendre, donc il faut suivre. Il y a deux différences entre l'umma et l'imam. C'est que ana al-imam kullu ma yu'tamu bihi sawa'un kana biqasdihi wa shu'urihi aw la. L'imam, c'est tout ce qu'on va prendre en exemple, que l'on ait fait exprès ou pas. Que tu as fait exprès, que tu as recherché à le suivre ou pas. Tu as pris quelqu'un en exemple, des fois tu le sais pas. Et n'est-ce pas qu'il y a des gens qui prennent des juifs et des chrétiens en exemple parmi les musulmans? On a tous notre part de suivre le juif ou le chrétien en exemple. Ou parce qu'on a appris, on met pas en pratique, ou parce que des fois on fait des choses et on ne connaissait pas, on savait pas si on avait le droit de le faire ou pas. Donc on a suivi, est-ce qu'on a fait exprès? Est-ce qu'on veut devenir juif? Est-ce qu'on veut devenir chrétien? Non. C'est un exemple. Et pourtant, on n'a pas ressenti cela. وَمِنْهُ سُمِّيَ الطَّرِقُ إِمَامًا. Donc c'est pour ça qu'on appelle la voie إِمَامًا. كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِلظَّالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّمَا لبإمام مبين لا بإمام نورين. سورة الحجر أي بالطريق واضح لا يخفى على السالك. Donc ici donc certes les gens de l'Aïka, ceux qui étaient donc injustes, nous avons donc فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, donc le fait d'être nous êtes comment dire une tiram des gens français. On s'est vengé d'un, on s'est vengé d'eux, donc à cause donc, de, justement donc d'une voix claire, c'est à cause du mal qu'ils ont fait, et le mal qu'ils ont fait est réellement clair. Donc ça c'est wadah, tariq wadah, la yakhfa ala salik. C'est une voix qui est claire et en réalité celui qui prend cette voix donc ne va pas la rater. Et pourtant tariq on n'appelle pas umma. Umma c'est vraiment l'exemple qu'il faut suivre. Tandis que l'imam, ça peut être donc un bon imam ou un mauvais imam. الثاني أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفة الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا واحدا. الأمة ici, il y a un sens qui est plus poussé. C'est qu'il va rassembler donc les qualités qui sont complètes parmi la science, l'œuvre, et même s'il reste seul. Donc il est seul. C'est l'exemple. C'est lui l'exemple, seul. فَوَ الْجَامِعْ لِخِصَالِهِ وَتَفَارَقَتْ فِي الْعِلْمِ. Donc je pense que c'est une autre personne. Seul englobe toutes les qualités. Donc c'est pour ça que c'est lui-même. Il n'a pas juste une partie des qualités. C'est pour ça que c'est l'Umma. Parce qu'il y a toutes les qualités. S'il y avait une partie, ce ne serait pas suffisant pour qu'on l'appelle Umma. Donc il a des qualités que l'on retrouve chez tout le monde. Les ulama, ils ont du ilm. Mais ils n'ont pas tout l'ilm. C'est pour ça que même Shafi'i dit, les ulama d'une époque englobent la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous réunis. Il faut tout le monde réuni. Parce que lui, il a ça, lui, il a ça, lui, il a ça. Mais chacun en particulier n'a pas la science du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit qanitan lillah, Ibn Mas'ud dit donc ici, yani, il veut dire donc turja'u ila dawami ta'a. Qanitan lillah, le fait de dire qu'il est tout le temps très adoré, c'est une adoration qui est constante. Hanifan al-hanif, donc el muqbil ala Allah, celui qui va vers Allah azzawajal. Yuzimu hadha al-ma'na, yani miluhu amma siwa. Le fait que le mail, c'est le fait de se détourner, le fait de pencher. Il penche, donc, pas vers, mais il ne va pas vers, et il penche, il se détourne en vérité de, d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, chaque l'année an'umihi, le shukru l'ni'amini, mabniyun ala thalathati arkan. Donc ici, il parle de le fait qu'il soit reconnaissant, donc, sur les grâces d'Allah azza wa jalla envers lui. Cette reconnaissance des bienfaits d'Allah azza wa jalla envers lui est basée sur trois piliers. Al-iqraru bin-ni'mati wa idafatuha ila al-mun'im biha. Le fait de donc de reconnaître ce bienfait là et le fait de donc l'idafa, le fait de dire à qui elle vient, hada min fadlillah, hada min 'indillah. Il faut que tu saches qu'elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as fait, donc tu as dit ou tu as pensé que cela bien sûr provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa safuha fi mardati. Donc tu vas dépenser ce bienfait en argent ou en éducation, ce que tu veux, donc vers quoi? Vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْعَمَلُ فِيهَا بِمَا يُحِبُ. Et tu vas mettre en application cela, c'est-à-dire pour ce que Allah aime. فَلَا يَكُنُ الْعَبْدُ شَاكِرًا إِلَّا بِهَدِي الْأَشْيَفْلَهِ. La personne ne sera pas donc réellement reconnaissante que si elle possède ces trois points-là. Donc tu vas reconnaître, donc tu vas aussi donc la dépenser, ou tu vas donc l'user, la dépenser vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas mettre en application ce que cela, donc par rapport à ce qu'Allah azawajal aime. وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ مَدَحَ خَلِيلَهُ بِأَرْبِعِ صِفَاتٍ كُلِّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ. Donc ici, cela veut dire en réalité c'est qu'Allah azawajal a vanté Ibrahim. Donc, par quatre qualités, et toutes ces qualités reviennent à la science. Donc, on a vu. Donc, il est quoi? Imam, Qanitan, Hanif, Tawhid, Walam yakun min mushrikin. Donc, tout cela, il le remercie, comme il le faut, par science. Donc, c'est toujours l'ilm. Wal-amel, bimawjibihi, et mettre en application ce que cela amène automatiquement, obligatoirement. Wata'alimihi, wa nashrihi, et le fait de l'enseigner. Le fait de l'enseigner et de propager cela. فعاد الكمال كله الى العلم والعمل بموجبه ودعوه الخلق اليه. Ça vous connaissez, vous avez déjà entendu qu'il faut apprendre trois sujets, ça, l'ilm et l'amal, et l'akhir. Donc on revient toujours en vérité à ces points-là. Vous allez voir que c'est des choses qui sont obligatoires. Voilà, l'islam c'est comme ça, on doit connaître ces choses-là. On doit connaître la science, on doit mettre en application, et aussi donc enseigner les autres de ce que l'on connaît. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته je pense que c'est terminé ça après moi il n'y a plus personne donc il n'y a plus rien donc ça se clôture là qu'Allah azza wa jalla nous récompense donc plutôt récompense pour nous avoir écouté avoir patienté avec nous جزاكم الله خيرا aussi on remercie à كل حال les gens de cette mosquée donc les responsables de cette mosquée ainsi que les frères qui ont permis qui nous permettent donc de venir les rencontrer ici. Qu'Allah donc récompense tout le monde et barakallahu fikoum, salam alaykoum, rahmatullah, barakatuh.